213e nuit. Après que le grand vizir se fut retiré, le sultan Shahzaman alla à l'appartement de la mère du prince Kamaralzaman, à qui il y avait longtemps qu'il avait témoigné l'ardent désir qu'il avait de le marier. Quand il eut raconté avec douleur de quelle manière il venait de le refuser une seconde fois, et marqué l'indulgence qu'il voulait bien avoir encore pour lui par le conseil de son grand vizir, « Madame, lui dit-il, je sais qu'il a plus de confiance en vous qu'en moi, que vous lui parlez et qu'il vous écoute plus familièrement. Je vous prie de prendre le temps de lui en parler sérieusement et de lui faire bien comprendre que s'il persiste dans son opiniâtreté, il me contraindra, à la fin, d'en venir à des extrémités dont je serais très fâché et qui le ferait repentir lui-même de m'avoir désobéi. » Fatim, c'était ainsi que s'appelait la mère de Kamaralzaman, marqua au prince, son fils, la première fois qu'elle le vit, qu'elle était informée du nouveau refus de se marier qu'il avait fait au sultan, son père, et combien elle était fâchée qu'il lui eût donné un si grand sujet de colère. « Madame, reprit Kamaralzaman, je vous supplie de ne pas renouveler ma douleur sur cette affaire. Je craindrais trop, dans le dépit où j'en suis, qu'il ne m'échappât quelque chose contre le respect que je vous dois. » Fatim connut par cette réponse que la plaie était trop récente et ne lui en parla pas davantage pour cette fois. Longtemps après, Fatim crut avoir trouvé l'occasion de lui parler, sur le même sujet, avec plus d'espérance d'être écoutée. « Mon fils, dit-elle, je vous prie, si cela ne vous fait pas de peine, de me dire quelles sont donc les raisons qui vous donnent une si grande aversion pour le mariage. Si vous n'en avez pas d'autre que celle de la malice et de la méchanceté des femmes, elle ne peut pas être plus faible ni moins raisonnable. Je ne veux pas prendre la défense des méchantes femmes. Il y en a un très grand nombre, j'en suis très persuadée. Mais c'est une injustice des plus criantes de les taxer toutes de l'être. Eh, mon fils, vous arrêtez-vous à quelques-unes dont parlent vos livres, qui ont causé à la vérité de grands désordres et que je ne veux pas excuser. Mais que ne faites-vous attention à tant de monarques, à tant de sultans et à tant d'autres princes particuliers, dont les tyrannies, les barbaries et les cruautés font horreur à lire dans les histoires que j'ai lues comme vous? Pour une femme, vous trouverez 1000 de ces tyrans et de ces barbares. Et les femmes honnêtes et sages, mon fils, qui ont le malheur d'être mariées à ces furieux, croyez-vous qu'elles soient fort heureuses? Madame, reprit Kamaralzaman, je ne doute pas qu'il n'y ait un grand nombre de femmes sages, vertueuses, bonnes, douces et de bonnes mœurs. Plût à Dieu qu'elles vous ressemblassent toutes. Ce qui me révolte, c'est le choix douteux qu'un homme est obligé de faire pour se marier, ou plutôt qu'on ne lui laisse pas souvent la liberté de faire à sa volonté. Supposons que je me sois résolu à m'engager dans le mariage, comme le sultan, mon père, le souhaite avec tant d'impatience. Quelle femme me donnera-t-il? Une princesse, apparemment, qu'il demandera à quelque prince de ses voisins, qui se fera un grand honneur de la lui envoyer. Belle ou laide, il faudra la prendre. Je veux qu'aucune autre princesse ne lui soit comparable en beauté. Qui peut assurer qu'elle aura l'esprit bien fait, qu'elle sera traitable, complaisante, accueillante, prévenante, obligeante, que son entretien ne sera que de choses solides, et non pas d'habillement, d'ajustement, d'ornement, et de 1000 autres badineries qui doivent faire pitié à tout homme de bon sens. En un mot, qu'elle ne sera pas fière, hautaine, fâcheuse, méprisante, et qu'elle n'épuisera pas tout un état par ses dépenses frivoles en habits, en pierreries, en bijoux, en magnificence folle et malentendue. Comme vous le voyez, madame, voilà un seul article, une infinité d'endroits par où je dois me dégoûter entièrement du mariage. Que cette princesse, enfin, soit si parfaite et si accomplie, qu'elle soit irréprochable sur chacun de tous ces points, j'ai un grand nombre de raisons, encore plus fortes, pour ne me pas désister de mon sentiment, non plus que de ma résolution. « Quoi, mon fils ? Répartit Fatim. Vous avez d'autres raisons après celles que vous venez de me dire ? Je prétendais cependant vous répondre et vous fermer la bouche en un mot. Cela ne doit pas vous en empêcher, madame, répliqua le prince. J'aurais peut-être de quoi répliquer à votre réponse. Je voulais dire, mon fils, dit alors Fatim, qu'il est aisé à un prince, quand il a eu le malheur d'avoir épousé une princesse telle que vous venez de la dépeindre, de la laisser et de donner de bons ordres pour empêcher qu'elle ne ruine l'État. Eh, madame, reprit le prince Kamaralzaman, ne voyez-vous pas quelle mortification terrible c'est à un prince d'être contraint d'en venir à cette extrémité? Ne vaut-il pas beaucoup mieux, pour sa gloire et pour son repos, qu'il ne s'y expose pas? Mais mon fils, dit encore Fatime, de la manière que vous l'entendez, je comprends que vous voulez être le dernier des rois de votre race, qui ont régné si glorieusement dans les îles des enfants de Caledon. Madame, répondit le prince Kamaralzaman, je ne souhaite pas de survivre au roi mon père. Quand je mourrai avant lui, il n'y aurait pas lieu de s'en étonner après tant d'exemples d'enfants qui meurent avant leur père. Mais il est toujours glorieux à une race de rois de finir par un prince aussi digne de l'être, comme je tâcherai de me rendre tel que ses prédécesseurs et que celui par où elle a commencé. Depuis ce temps-là, Fatime eut très souvent de semblables entretiens avec le prince Kamaralzaman, et il n'y avait pas de biais par où elle n'ait tâché de déraciner son aversion. Mais il éluda toutes les raisons qu'elle put lui apporter, et par d'autres raisons auxquelles il ne savait que répondre, il demeura inébranlable. L'année s'écoula, et au grand regret du sultan Shahzaman, le prince Kamaralzaman ne donna pas la moindre marque d'avoir changé de sentiment. Un jour de conseil solennel, enfin, que le premier vizir, les autres vizirs, les principaux officiers de la couronne et les généraux d'armée étaient rassemblés, le sultan prit la parole et dit au prince « Mon fils, il y a longtemps que je vous ai marqué la passion avec laquelle je désirais de vous voir marié, et j'attendais de vous plus de complaisance pour un père qui ne vous demandait rien que de raisonnable. Après une si longue résistance de votre part, qui a poussé ma patience à bout, je vous marque la même chose en présence de mon conseil. Ce n'est plus simplement pour obliger un père que vous ne devriez pas avoir refusé. C'est que le bien de mes états l'exige et que tous ces seigneurs le demandent avec moi. Déclarez-vous donc, afin que, selon votre réponse, je prenne les mesures que je dois. » Le prince Kamaralzaman répondit avec si peu de retenue, ou plutôt avec tant d'emportement, que le sultan, justement irrité de la confusion qu'un fils lui donnait en plein conseil, s'écria. « Quoi ? Fils dénaturé, vous avez l'insolence de parler ainsi à votre père et à votre sultan ?» Il le fit arrêter par les huissiers et conduire à une tour ancienne, mais abandonnée depuis longtemps, où il fut enfermé avec un lit, peu d'autres meubles, quelques livres et un seul esclave pour le servir. Kamaralzaman, content d'avoir la liberté de s'entretenir avec ses livres, regarda sa prison avec assez d'indifférence. Sur le soir, il se leva, il fit sa prière, et après avoir lu quelques chapitres de l'Alcoran, avec la même tranquillité que s'il eût été dans son appartement au palais du sultan, son père, il se coucha sans éteindre la lampe qu'il laissa près de son lit, et s'endormit. Dans cette tour, il y avait un puits qui servait de retraite pendant le jour à une fée nommée Memoun, fille de Damriat, roi ou chef d'une légion de génies. Il était environ minuit lorsque Memoun s'élança légèrement au haut du puits pour aller par le monde, selon sa coutume où la curiosité la porterait. Elle fut fort étonnée de voir de la lumière dans la chambre du prince Kamaralzaman. Elle y entra, et sans s'arrêter à l'esclave qui était couché à la porte, elle s'approcha du lit dont la magnificence l'attira. Et elle fut plus surprise qu'auparavant de voir que quelqu'un y était couché. Le prince Kamaralzaman avait le visage à demi caché sous la couverture. Memoun le leva un peu, et elle vit le plus beau jeune homme qu'elle eût jamais vu en aucun endroit de la terre habitable qu'elle avait souvent parcouru. « Quel éclat ! » dit-elle en elle-même. « Ou plutôt, quel prodige de beauté ne doit-ce pas être lorsque les yeux que cachent des paupières si bien fermées sont ouverts ? Quel sujet peut-il avoir donné pour être traité d'une manière si indigne du haut rang dont il est ?» Car elle avait déjà appris de ses nouvelles, et elle se douta de l'affaire. Memoun ne pouvait se laisser d'admirer le prince Kamaralzaman. Mais enfin, après l'avoir baisé sur chaque joue et au milieu du front sans l'éveiller, elle remit la couverture comme elle était auparavant et prit son vol dans l'air. Comme elle se fut élevée bien haut vers la moyenne région, elle fut frappée d'un bruit d'ailes qui l'obligea de voler du même côté. En approchant, elle connut que c'était un génie qui faisait ce bruit, mais un génie de ceux qui sont rebelles à Dieu. Car pour Memoun, elle était de ceux que le grand Salomon contraignit de reconnaître depuis ce temps-là. Le génie, qui se nommait Danash, et qui était fils de Shamourash, reconnut aussi Memoun avec une grande frayeur. En effet, il connaissait qu'elle avait une grande supériorité sur lui par sa soumission à Dieu. Il aurait bien voulu éviter sa rencontre, mais il se trouva si près d'elle qu'il fallait se battre ou céder. Danash prévint Memoun. « Brave Memoun, lui dit-il d'un ton de suppliant, jurez-moi, par le grand nom de Dieu, que vous ne me ferez pas de mal, et je vous promets, de mon côté, de ne vous en pas faire. »« Maudit génie, reprit Memoun, quel mal peux-tu me faire? Je ne te crains pas, je veux bien t'accorder cette grâce, et je te fais le serment que tu me demandes. Dis-moi présentement d'où tu viens, ce que tu as vu, ce que tu as fait cette nuit. » « Belle dame, répondit Danash, vous me rencontrez à propos pour entendre quelque chose de merveilleux. »